Today, 10th of June, year 2014, the third day of our meditation retreat. So all of our yogi trying the whole day. Now become 2 days plus 3 days already, right? So what we are doing, we must know clearly. We are observing our mind, our body, how it's working in detail to understand as real as natural as they are. C'est le troisième jour de notre retraite. Les yogis travaillent toute la journée et il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font ici. Nous observons de façon très précise le fonctionnement du corps et de l'esprit dans le but de comprendre comment tout cela fonctionne réellement. Pour réussir à voir clairement ce qui se passe en nous, nous devons disposer de la force de l'esprit. Cette force de l'esprit, c'est la forte attention, la forte concentration, la capacité à focaliser son attention sur les objets. Si tous ces facteurs ne sont pas présents, la sagesse ne sera pas forte. Si nous pensons, par exemple, pendant la méditation, nous pouvons nous dire que nous n'observons pas. C'est comme si on voulait lire un livre. Pour en comprendre la signification, il faut que nous ne pensions pas au moment où nous lisons ce livre. Sinon, nous ne comprendrons pas de quoi il s'agit. C'est donc pour cette raison que les yogis s'entraînent pendant toute la journée à observer leur propre corps et leur propre esprit. Ils s'entraînent. Et c'est leur propre corps et leur propre esprit qu'ils observent. Ils n'observent pas le corps et l'esprit des autres. Et ils observent tout cela dans le but de voir que tous ces phénomènes changent constamment. Ils essayent de voir ce qui se passe réellement en eux. 7 jours, c'est très court. Et de plus, nous n'avons pas l'habitude d'observer de cette façon. Dans la vie de tous les jours, on n'observe pas les objets de cette façon. Ici, nous le faisons, nous nous entraînons à observer de façon très précise dans le but de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Ceci, c'est l'essence même de la méditation vipassana. Donc, ne perdons pas notre temps. Essayons d'être attentifs à toutes les activités que nous faisons tout au long de la journée de façon précise. Essayons de maintenir notre esprit sur l'objet. Si nous réussissons à maintenir notre esprit sur l'objet, nous verrons les choses telles qu'elles sont réellement. Mais si l'esprit est agité, qu'il se comporte comme il a l'habitude de le faire, en vagabondant de ci, de là, qu'il ne reste pas dans l'instant présent, ce ne sera pas possible de voir les choses telles qu'elles sont réellement. On compare l'esprit à un singe qui saute de branche en branche. Il est donc incontrôlable. Mais nous pouvons cependant réussir à le contrôler. Pour y arriver, il faudra s'entraîner à maintenir cet esprit sauvage sur l'objet avec précision. Essayons d'observer de façon continue, sans interruption. Observons chaque fois l'objet et l'esprit, la prise de conscience de cet objet. De cette façon, nous réussirons à maintenir cet esprit sous contrôle. En théorie, on dit donc que pour qu'il y ait esprit, il faut obligatoirement qu'il y ait objet. Essayons donc d'offrir à cet esprit un objet approprié. Pour détenir la force de l'esprit, la force mentale, il faudra surtout que l'attention soit développée. C'est l'attention qui est le facteur le plus important. Et cette attention doit être très ferme. Elle doit être établie très fermement sur l'objet. On compare ce type d'attention à une pierre qu'on lancerait sur un plan d'eau. Cette pierre est lourde et elle va donc s'enfoncer dans l'eau. Elle va couler et atteindre le fond. Elle ne flotte pas à la surface de l'eau. Un ballon, par contre, qui serait jeté sur ce même plan d'eau, va rester en surface. Il va flotter à la surface de l'eau. Il ne coulera pas. La caractéristique de la tension, c'est donc le fait de ne pas flotter à la surface de l'objet. C'est une attention qui est très ferme. Ceci est très important pour nous. Nous devons développer une attention qui ne flotte pas à la surface des objets. Quelle est la fonction de l'attention? En pali, on dit asamosa rasa, ce qui veut dire ne pas oublier. La fonction de l'attention, c'est de nous permettre de ne pas oublier, de connaître, d'expérimenter clairement. Si l'attention n'est pas présente, nous allons oublier l'objet. Et si nous oublions l'objet, l'esprit va s'envoler. Il va se mettre à flotter à la surface des objets, il ne sera pas clair. C'est la même chose pour les méditants. Et tous les méditants expérimentent cela. Sans attention, notre esprit va donc se mettre à flotter à la surface des objets qui vont devenir peu clairs. Comment se sent-on lorsqu'on est attentif, lorsque l'attention est présente? On aura le sentiment, l'impression que notre esprit est pris en charge par cette attention. L'attention prend soin de notre esprit. Notre esprit devient très stable. On peut comparer cela à l'enfant qui est sous la surveillance de sa mère. La mère va s'assurer que rien de dommageable ne lui arrive. Elle le protège, elle prend soin de lui. Comment faire surgir l'attention? Quelle est la cause immédiate pour l'attention? C'est une perception très ferme. Nous devons donc développer sanya, la perception, et faire en sorte que cette perception de l'objet soit très ferme. La perception, c'est donc la cause immédiate de l'attention. Tous les yogis ici s'entraînent à percevoir les objets clairement avec une attention très ferme. La caractéristique de l'attention, c'est qu'elle heurte l'objet, elle entre en contact avec l'objet. Si c'est le cas, la compréhension va se manifester. Ça nous explique que Vipassana se base sur l'attention. Vous avez tous déjà entendu parler du Mahasatipatthana Sutta, l'enseignement sur l'établissement de l'attention, un sermon du Bouddha. Dans ce sermon, le Bouddha explique qu'il y a 4 types de contemplation, et elles sont toutes basées sur l'attention. Il n'y a qu'une seule attention, mais il y a 4 objets d'attention. Le premier de ces objets, de ces catégories, c'est Kaya Nupassana, la contemplation du corps. Vous qui êtes ici, vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous observez, vous ressentez ces mouvements. Vous comprenez donc un phénomène physique, c'est le corps. La deuxième base de l'attention, c'est Vedana Nupassana, la contemplation des sensations. Les sensations, c'est tout ce que nous ressentons, que ce soit de la douleur, des engourdissements, des chatouillements, du mouvement. Tout cela, ce sont donc des ressentis, des sensations. Et il faudra observer toutes ces sensations avec attention. La troisième base pour l'attention, c'est Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Ce sont ce que l'on peut appeler les formations mentales, tout ce qui se passe dans l'esprit, les pensées, l'agitation, la colère, la paix, tout cela, ce sont donc des formations mentales. Si nous sommes attentifs, il est possible de noter tous ces états d'esprit. Par contre, si on se met à y réfléchir, on ne les comprendra jamais. Et enfin, la dernière base de l'attention, c'est les Dhammanupassana, la contemplation des Dhammas. Ici, il y a plusieurs sections, mais par exemple, les 5 empêchements font partie de Dhammanupassana. De façon très générale, on peut dire que dans cette dernière section sont inclus tous les phénomènes qui n'appartiennent pas aux 3 premières. Donc, il faudra noter les empêchements, par exemple, la colère, par exemple, si elle se manifeste. Il faudra prendre conscience qu'il s'agit d'un ennemi, quelque chose qui nous empêche de progresser. Si notre attention, si notre esprit est fort, nous verrons cet empêchement disparaître. Par contre, si l'esprit n'est pas fort, cet empêchement ne disparaîtra pas. Nous pouvons facilement observer et comprendre tous ces phénomènes, et nous allons les comprendre à l'intérieur de nous. Les quatre fondements de l'attention se trouvent à l'intérieur de nous. Le corps physique, nous observons cette première base, ce premier fondement, nous observons ce qui se passe à l'intérieur de notre propre corps, pas à l'extérieur. Les sensations également, nous allons les ressentir à l'intérieur de nous. Tous les phénomènes mentaux seront observés tels qu'ils se manifestent à l'intérieur de nous. Les empêchements, la cinquième base, les dhammas, vont également être observés tels qu'ils se manifestent à l'intérieur de nous. Il est donc très facile d'observer ces quatre fondements. Mais ceci, ce ne sont pas mes instructions à moi. Elles sont toutes contenues dans ce sermon du Bouddha, le Mahasatipatthana Sutta. Le Bouddha nous explique donc dans ce sermon comment nous devons observer les phénomènes physiques et mentaux, le corps et l'esprit, la vie elle-même, et réussir à voir ces choses telles qu'elles sont réellement. Tout ceci, c'est donc ce qui se trouve expliqué dans le Mahasatipatthana Sutta, qui est l'enseignement du Bouddha. Le corps et l'esprit changent constamment. Nous changeons constamment, nous bougeons constamment, les objets bougent constamment, l'esprit bouge donc constamment également. C'est pourquoi nous devons rester dans l'instant présent pour voir tous ces changements. Pour rester dans l'instant présent et observer dans l'instant présent tout ce qui se manifeste, il faudra que nous disposions de l'effort, de l'attention et de la concentration. Notre esprit va alors se stabiliser et deviendra capable d'observer dans l'instant présent. Il ne faudra pas seulement observer dans l'instant présent, il faudra en plus observer sans interruption. Il ne faut pas qu'il y ait des interruptions d'attention. S'il y a des interruptions d'attention, que nous oublions d'être attentifs, notre esprit va s'envoler et va prendre n'importe quoi comme objet. Il faudra donc observer dans l'instant présent et de façon continue. Si nous réussissons à faire cela, nous verrons clairement comment fonctionne le corps et l'esprit. Mais si nous ne réussissons pas à observer dans l'instant présent et de façon continue, ce sera très difficile de réaliser la véritable nature de tous ces processus. Nous devons donc développer la concentration de façon à voir clairement. Plus la concentration sera forte, mieux nous verrons les objets. Mieux nous les comprendrons et les connaissances vipassana vont pouvoir se développer. On pourrait comparer cela à l'eau d'une rivière qu'on essaierait d'observer. Vous avez ici la rivière, elle coule sans arrêt. Vous voulez voir l'eau dans son entièreté, toute l'eau qui coule. Vous courez d'un endroit à l'autre pour essayer de voir toute cette eau qui coule, mais c'est impossible. Par contre, si vous restez à un seul endroit et que vous regardez l'eau qui coule en ne vous occupant pas de l'endroit où elle part, vous pourrez observer l'entièreté de cette eau qui coule. C'est la nature de l'eau de couler. Mais nous devons rester stables et cet endroit stable sur lequel nous allons nous maintenir, c'est l'instant présent. Nous restons donc dans l'instant présent et nous voyons couler tous les phénomènes autour de nous. Le plus important, c'est de réussir à comprendre en détail, d'être sûr de ce que l'on a compris. Sinon, il nous sera difficile de dépasser les concepts. La sagesse, c'est donc la compréhension, c'est panya, ce qui veut dire comprendre en détail. Cette compréhension, cette sagesse, n'est pas une compréhension ordinaire. On peut comparer cette sagesse à ceci. Imaginons qu'il y ait devant nous un verre d'eau. Dans la vie de tous les jours, en général, cette eau nous apparaît comme tout simplement du liquide, de l'eau. Mais si Nous observons en détail, comme le font les scientifiques dans les laboratoires, nous ne verrons plus de l'eau, nous verrons de l'H2O. Ceci, c'est donc une observation détaillée de cette eau qui se fait en laboratoire avec des instruments. C'est une observation qui porte sur un objet extérieur. Elle amène donc une certaine compréhension de la réalité. Mais ce que nous faisons, nous, ce n'est pas exactement la même chose. Nous allons observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous ne nous occupons pas des objets extérieurs. Nous observons ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. D'une certaine façon, on peut dire que ce type d'analyse, d'observation, de compréhension est plus facile que celle qui porte sur des objets extérieurs, tout simplement parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre propre corps et notre propre esprit, est toujours là. Les objets sont en nous, l'esprit est en nous. C'est donc, pourrait-on dire, plus facile d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Les choses apparaissent. Ah oui, si les choses... Donc les choses sont en réalité assez simples. Mais si elles nous semblent difficiles, si elle nous semble compliquée, c'est tout simplement parce que notre esprit n'est pas contrôlé. Il y a, en ce moment, certains yogis qui ont réussi à développer, dans une certaine mesure, leur esprit. Leur esprit est devenu stable dans une certaine mesure. Ces yogis le sentent, ils sont bien concentrés, leur attention est développée, et en conséquence, ils se sentent satisfaits de leur pratique. Ils sont contents de leur pratique. Il voit de plus en plus en détail. Plus on observe, plus on réussit à maintenir son esprit sur l'objet, plus la compréhension se développe, et plus on se sent satisfait de la pratique. On commence alors à comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit. Donc, quand... la concentration et l'attention se sont développées, le méditant va commencer à expérimenter des choses qu'il n'a pas encore vues jusqu'alors. Il va notamment voir les quatre éléments. Les quatre éléments vont se manifester très clairement. Les quatre éléments constituent donc le corps physique. Ce sont des particules, des éléments de matière qui sont inséparables. Ils apparaissent toujours ensemble, mais dans des proportions variables. Parfois, c'est le feu qui va dominer, parfois c'est la terre qui va dominer, etc. Et le méditant peut donc voir tout cela. Il peut expérimenter directement à l'intérieur de lui les quatre éléments. La terre, c'est Patavi. Le feu, c'est Tejo. L'eau, c'est Apu. Et le mouvement ou l'air, c'est Vayu. Le yogi observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et il expérimente alors du mouvement, c'est l'élément air, Vayodhatu. L'élément air, c'est donc le mouvement, les caractéristiques de l'élément air, c'est le mouvement, c'est la tension, c'est la vibration. Au moment où il se lève, il passe à la posture debout, le méditant va expérimenter des sensations de tension dans le corps. C'est l'élément air. Tout ceci va parfois lui apparaître très clairement. Il va expérimenter toutes sortes de choses qu'il ne connaît pas encore, des choses qui vont lui apparaître comme étranges. Mais le méditant ne doit pas prendre peur. Il arrive parfois que le méditant s'inquiète, qu'il commence à avoir peur à cause de ces choses qu'il constate à l'intérieur de lui et auxquelles il n'est pas habitué. Mais il ne doit pas prendre peur, il doit simplement observer ces choses. Parfois, ce sera l'élément feu qui va devenir prédominant. Le méditant va ressentir de la chaleur à l'intérieur de lui. Il doit simplement observer et se montrer patient. Il faut chaque fois qu'il se montre capable de noter ces choses avec patience. Tout cela n'est que très naturel. C'est la nature du corps et de l'esprit. Le méditant doit réussir à accepter que tout cela fait partie de lui, que c'est la nature de son corps. Il observe sans interruption, en étiquetant ses phénomènes. S'il n'étiquette pas les phénomènes, il est fort probable que la peur ou l'anxiété se manifeste, il oublie de la noter, il y a des pensées, il se met à imaginer toutes sortes de choses, comme par exemple que c'est une ancienne maladie qui refait surface. Mais la méditation, c'est très simple, très facile. Il n'y a rien de mal à méditer, c'est tout à fait naturel et simple. Pourquoi une ancienne maladie referait-elle surface? Le méditant s'inquiète pour rien, et tout cela est dû au vagabondage de son esprit. Pour contrôler cet esprit qui vagabonde, il faut simplement qu'il note chaud, chaud, s'il ressent de la chaleur. Il doit se montrer patient avec cette sensation, il verra qu'après un certain temps, elle s'estompe. Il revient alors au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. L'élément feu, c'est non seulement les sensations de chaleur dans le corps, mais également les sensations de froid. L'élément air, ce n'est pas seulement la tension, mais c'est aussi la souplesse. Le méditant doit donc observer toutes ces choses et constater que cela ne dure pas. Il n'aura pas cette sensation de chaleur pendant toute la séance. Après un certain temps, elle va s'estomper. Il doit observer tout cela, comprendre tout cela, comprendre en quoi consiste la vie. S'il ne note pas tout cela, s'il n'observe pas patiemment tous ces phénomènes, il va se mettre à penser, ce qui n'est plus la méditation. La méditation, c'est simplement observer avec patience tout ce qui se manifeste en soi, se montrer sage, comprendre que ces phénomènes n'en finissent pas de changer, qu'il ne s'agit jamais que de causes et d'effets. Parfois, vous aurez une sensation de dureté dans le corps. Votre corps vous semble très dur, très raide. C'est alors l'élémentaire qui est devenu prédominant. Si c'est le cas, ne pensez pas, ne vous mettez pas à réfléchir à cela, pour ne pas faire surgir l'anxiété ou toutes sortes d'imaginations. Contentez-vous de noter simplement cette dureté, cette raideur, et voyez qu'après un certain temps, elle s'estompe. Pour ce qui est de l'élément eau, vous allez parfois ressentir des liquidités dans le corps, comme par exemple la salive, les larmes. Tout cela, c'est l'élément eau qui est devenu prédominant. Ces quatre éléments vont donc se manifester à l'intérieur de vous dans votre corps. S'ils fonctionnent de façon harmonieuse, on peut dire que vous êtes en bonne santé, vous vous sentez bien. Mais parfois ces choses vont, apparaître de façon inégale, et ceci peut être dû par exemple à la nourriture que vous aurez mangée ou bien au climat. Tout ceci va amener des modifications au niveau de ces éléments. Mais ces quatre éléments sont des choses qui sont tout à fait naturelles. Ne soyez donc pas inquiets à ce sujet, contentez-vous de les observer. Et lorsqu'ils disparaissent, vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si vous procédez ainsi et que vous acceptez toutes ces choses qui se manifestent en vous, vous allez progressivement vous calmer. Si vous devenez calme, vous allez comprendre de mieux en mieux et en détail ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ceci va vous mener à la sagesse. Vous verrez les choses telles qu'elles sont réellement, et votre sagesse va se développer pour finalement vous libérer de la souffrance. Essayez donc de faire de votre mieux pour observer correctement tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne perdez pas votre temps. Nous n'avons plus que 4 jours. Essayez de développer votre attention, votre concentration, votre claire compréhension, de façon à faire surgir de la sagesse vipassana. So I wish you, may you all be able to manage your mind, not to run here and there, under your control, can see as real as our life, this mind and this body, how it is working in our life. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.